au fond du gouffre, où rien ne tressaille et ne bouge, un écho répéta « C'est lui !» Les sombres rois dirent « C'est lui! C'est lui! C'est lui! Voilà sa croix !» Les clés du paradis sont dans ses mains fatales. Et l'homme-loup, debout sur les cadavres pâles, dont le sang tiède encore tombait dans l'infini, cria d'une voix rauque et sourde « Il m'a béni !» Et la lueur soudain grandit, funèbre et pure, et devint formidable ainsi qu'une figure. Il semblait que ce fût le jour qui se levait.